Bonjour, vous êtes dans le billet de sortie, l'agenda du week-end et même de la semaine à venir. Alors tout de suite on commence par les jeudis 19, 26 avril et 3 mai au musée textile de Ventron. À partir de 14h tous les jeudis, vous pouvez, les jeudis des vacances scolaires, voilà, vous pouvez découvrir en famille, tout ça c'est au musée textile, tarif adulte 4,50€ pour les enfants, 2€ et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Mercredi 18 avril, de 14h à 20h, la 10e édition du Marché aux Bonnes Idées. Ça se passe au cinéma L'Essessure. Pardon, il y a une diffusion du film Être plutôt que avoir. Ce sera le jeudi 19, ça par contre, de 18h à 20h30 au cinéma L'Essessure. Donc le Marché aux Bonnes Idées, c'est apprentissage. Pour tout renseignement, marchezauxbonnesidées@gmail.com. On reste ce mercredi 18 avril, 9e édition du Forum de l'apprentissage et de l'alternance. Ça se passe à la mission locale de Remiremont. Ça parle de l'apprentissage, tous les jeunes de 16 à 26 ans, aide aux employeurs et aux demandeurs d'emploi. Ça se passe mercredi 18 avril de 13h30 à 17h. Tout renseignement 03 29 62 39 15 03 29 62 39 15. Ce samedi 14 avril, à partir de 11h30, il y aura l'inauguration du sentier du textile. Ça se passe à La Bresse. L'inauguration aura lieu à 11h30, mais il y aura des animations à partir de 9h. Ça se passe sur le parking du magasin TGL, 8 chemin des Écorces à La Bresse. On vous a déjà régulièrement parlé du Repère Café de la Vosges. Eh bien, samedi 14 avril, de 13h30 à 19h, ça se passe à la salle des fêtes de Xertigny. Vous connaissez le principe, vous amenez un petit peu tout ce qui est en panne et qui est réparable. Et voilà, un bon moment de convivialité. Toujours samedi 14, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, une braderie de printemps, plus un grand déballage textile. Ça se passe à l'AMI, 14 quartier de la Madeleine à Épinal. Pour tout renseignement, 03 29 35 06 57. 03 29 35 06 57. Alors, on reste à Épinal, mais cette fois-ci, ce sera le 17 avril. France Parkinson se mobilise pour la journée mondiale qui a eu lieu le mercredi 11 mai. Il y aura pas mal de choses entre 10h et 19h. Conférence, l'isolement, ensemble parlons-en, animation théâtrale avec Soleil sous la pluie. Je vous donne un numéro de téléphone 06 87 02 26 45, 06 87 02 26 45. Le rendez-vous est à l'espace court, allée Marcel Mauss à Épinal. Ce vendredi 13 à 20h30 au théâtre de la Miroiterie, c'est à Miremont, c'est au 28 rue de la Joncherie. Alors ce sera le Nuage Perché et je vous rappelle que le théâtre de la Miroiterie c'est pas très grand, donc je vous encourage à téléphoner, à réserver au 06 87 15 86 23. 06 87 15 86 23. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end et si possible, restez fidèles à Game of Thrones.